liberation. Woman, you better get yourself in this kitchen and fix me some food. Je serait pas facile s'éclater entre individus libres. Soyez fidèles ou libertines, mais laissez les tabous aux speakerines. Mesdames, réagissez, il n'est jamais encore trop tard. Et s'il vous reste du temps, passez me voir dans mon plumard. Yeah.